moment que ça se joue. On parle tous d'humanité, là où tous dessoudent, où certains décident pour nous, là où la coque et le porno gagnent du terrain. Ce mutant torrent, ça devient aussi teufé que le journal de Pernod. Y'a pire dans les autres, on parle d'homicide et d'attentat. L'archange déchu se signe et nous dit à tantôt. J'suis pas sûr que ce soit drôle, là où les éco-énergies abondent. Mais non, faut terminer le pétrole, là où les fourmilières s'étendent. Chacun pour soi et l'univers pour tous, du moins pour ceux que ça tente. Ce serait un bon début.